boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. De mon parcours musical. Après la première édition dans laquelle je vous présentais mon histoire musicale, celle qui m'a amené à créer Pop and Rock, ce soir, ça sera mon parcours musical dans le rock féminin. Parcours semé d'embûches, vous allez le voir, puisqu'avant d'écouter PJ Harvey, avec laquelle nous avons commencé ce soir, je me suis arraché les oreilles avec des trucs comme ça. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're done. Et avec ça aussi. Et en encore Bonnie Tyler et Laura Branigan, c'est pas ce qu'il y avait de pire, parce que je crois bien que j'écoutais aussi ça. Bon, puis de temps en temps, heureusement, je tombais sur des trucs comme ça, je crois que c'était en 81. Les oreilles, il y avait donc John Jett, mais il y avait également Chrissy Hynde avec son groupe The Pretenders. I found a picture of you. Hijacked my world at night, to a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. Circumstance beyond our control. The phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Oh, like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. I found a picture of you. Those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Back on the chain gang. Malheureusement, j'étais toujours pas soigné parce que malgré tout, j'écoutais encore des machins comme ça. Sur comme on peut, parce qu'à l'époque j'aurais aussi pu écouter ça, mais là je ne pouvais pas. Comment pourrait-il essayer de pas? Et puis dans les années 80, quand on était un adolescent boutonneux, ben parfois on tombait amoureux d'une. Bah d'une rockeuse inaccessible. Bah moi c'était elle d'abord. Desire. Now it's taking its toll. You

celle-là, vous l'avez reconnue, c'est PJ Harvey qu'on a déjà écouté dans Pop and Rock, qui en est déjà une quinzaine d'albums, mais son dernier album vient de sortir en 2019. Enfin, c'est pas tout à fait un album, c'est une bande originale qui accompagne la série All About Eve. Je sais pas si vous connaissez, je vous dis donc à voir et donc surtout à écouter. Et on enchaîne tout de suite avec Juliet and the Leaks. Yeah. Matt and the Leaks. On vient de se faire une petite doublette, hein. On n'est pas dans les triplettes de Pop and Rock, mais ce soir quand même, je vous ai mis deux numéros, en tout cas deux morceaux de Juliet and the Leaks. Et on va enchaîner dans l'énergie de Juliet and the Leaks avec un autre groupe. Ce coup-ci, c'est un groupe australien. On les appelle Emil and the Sniffers. To do life. If only I'd hidden my lust. adore life. I adore life. I adore life. I adore The Sniffer, suivi à l'instant de Savages dans notre soirée pop and rock sur RVR consacrée au rock féminin. C'était bien Savages. Alors double dose, après le titre Adore qu'on vient d'écouter à l'instant, je vous prépare She Will, Savages. De la deuxième édition de mon parcours musical. Ce soir, j'ai partagé ce qui m'amène à vous faire écouter des groupes comme les Kills, Juliette and the Licks, encore PJ Harvey et bien d'autres. On a tous des parcours différents, mais le principal, c'est de se retrouver au bout du chemin pour partager. Alors, partagez tous ces groupes, et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Stinging seashell pining, tripping sapling nature.